David Copperfield, livre 1, chapitre 27, Tommy Traddles. Peut-être fût-ce en conséquence de l'avis de Mistress Scrope et parce que l'idée des quilles me rappelait le souvenir de quelques parties avec Traddles que je conçus le lendemain la pensée d'aller à la recherche de mon ancien camarade. Le temps qu'il devait passer hors de Londres était écoulé et il demeurait dans une petite rue près de l'école vétérinaire, à Camden Town, quartier spécialement habité, me dit l'un de nos clercs, qui logeait par là, par de jeunes étudiants de l'école, qui achetaient des âmes en vie pour faire sur ces quadrupèdes des expériences in anima vili dans leurs appartements particuliers. Je me fis donner par le même clerc quelques renseignements sur la situation de cette retraite académique, et je partis dans l'après-midi pour aller voir mon ancien camarade. La rue en question laissait quelque chose à désirer. J'aurais voulu pour Traddles qu'elle lui donnât plus d'agrément. Je trouvais que les habitants ne se gênaient pas assez pour jeter au beau milieu du chemin ce dont ils ne savaient que faire, de sorte que non seulement elle était boueuse et nauséabonde, mais encore qu'il y régnait un grand désordre de feuilles de choux. Ce n'était pas tout d'ailleurs. Les végétaux ce jour-là s'étaient recrutés d'une vieille savate, d'une casserole défoncée, d'un chapeau de femme de satin noir et d'un parapluie, arrivés à différentes périodes de décomposition que j'aperçus en cherchant le numéro de Traddles. L'apparence générale du lieu me rappela vivement le temps où je demeurais chez Mr. et Mrs. Micawber. Un certain air indéfinissable d'élégance déchue qui s'attachait encore à la maison que je cherchais et qui la distinguait des autres, quoiqu'elles fussent toutes construites sur le modèle uniforme de ces essais primitifs d'un écolier maladroit qui apprend à dessiner des maisons, me rappela mieux encore le souvenir de mes anciens hôtes. La conversation à laquelle j'assistais en arrivant à la porte qu'on venait d'ouvrir au laitier ne fit qu'ajouter à la vivacité de mes réminiscences. « Voyons, » disait le laitier à une très jeune servante. « A-t-on pensé à ma petite note ?»« Oh, monsieur dit qu'il va s'en occuper tout de suite, » répondit-elle. « Parce que, » reprit le laitier en continuant comme s'il n'avait point reçu de réponse, et parlant plutôt à ce qu'il me parut, d'après son ton, et les regards furieux qu'il jetait dans l'antichambre, pour l'édification de quelqu'un qui était dans la maison, que pour celle de la petite servante. « Parce que, voilà, si longtemps que cette note va son train, que j'ai bien peur qu'elle ne finisse par prendre la clé des champs, et puis après ça, court après. Or, vous comprenez que cela ne peut pas se passer ainsi. » cria le laitier, toujours plus haut et d'un ton plus perçant du fond du corridor jusque dans la maison. Rien n'était plus en désaccord avec ses manières que son état de laitier. C'eût été un boucher ou un marchand de rogomes qu'on lui eût encore trouvé la mine féroce pour son état. La voix de la petite servante s'affaiblit, mais il me sembla, d'après le mouvement de ses lèvres, qu'elle murmurait de nouveau qu'on allait s'occuper tout de suite de la note. « Je vais vous dire, » reprit le laitier en fixant les yeux sur elle pour la première fois et en la prenant par le menton. « Aimez-vous le lait ?»« Oui, beaucoup, » répliqua-t-elle. « Eh bien, » continua le laitier, « vous n'en aurez pas demain. Vous m'entendez ? Vous n'aurez pas une goutte de lait demain. » Elle me sembla par le fait soulagée d'apprendre qu'elle en aurait du moins aujourd'hui. Le laitier, après un signe de tête sinistre, laissa aller son menton et, ouvrant son pot de lait de la plus mauvaise grâce du monde, remplit celui de la famille, puis s'éloigna en grommelant et se remit à crier son lait dans la rue d'un ton furieux. « Est-ce ici que demeure Monsieur Traddles ? » demandai-je. Une voix mystérieuse me répondit « Oui, du fond du corridor. » Sur quoi la petite servante répéta « Oui, est-il chez lui ?» La voix mystérieuse répondit de nouveau affirmativement et la servante fit écho. Là-dessus, j'entrai et d'après les indications de la petite bonne, je montai, suivi à ce qu'il me sembla, par un œil mystérieux qui appartenait sans doute à la voix mystérieuse qui partait elle-même d'une petite pièce située sur le derrière de la maison. Je trouvai Traddles sur le palier. La maison n'avait qu'un premier étage et la chambre dans laquelle il m'introduisit avec une grande cordialité était située sur le devant. Elle était très propre, quoique pauvrement meublée. Je vis qu'elle composait tout son appartement, car il y avait un lit canapé et les brosses et le cirage étaient cachés au milieu des livres, derrière un dictionnaire sur la tablette la plus élevée. Sa table était couverte de papier. Il était revêtu d'un vieil habit et travaillait de tout son cœur. Ce n'est pas, je crois, que j'eusse envie de dresser l'inventaire des lieux, mais je vis cela d'un coup d'œil avant de m'asseoir, y compris l'église peinte sur son encrier de porcelaine. C'était encore une faculté d'observation que j'avais appris à exercer du temps de Micawber. Divers arrangements ingénieux de son cru pour dissimuler sa commode et pour loger ses bottes, son miroir à barbe, etc., me rappelaient avec une exactitude toute particulière les habitudes de Traddles dans le temps où il faisait, avec du papier à écolier, des modèles de repères d'éléphants assez grands pour y emprisonner des mouches et où il se consolait dans ses chagrins par les fameux chefs-d'œuvre dont j'ai parlé plus d'une fois. Dans un coin de la chambre, j'aperçus quelque chose qui était soigneusement couvert d'un grand drap blanc, sans pouvoir deviner ce que c'était. « Traddles, lui dis-je en lui donnant une seconde poignée de main, quand je fus assis, je suis enchanté de vous voir. »« C'est moi qui suis enchanté de vous voir, Copperfield, » répliqua-t-il. « Ah oui, je suis bien heureux de vous voir. C'est parce que j'étais vraiment ravi de vous voir. » Quand nous nous sommes rencontrés chez Mr. Waterbrook, que j'étais bien sûr que vous en étiez également bien aise, que je vous ai donné mon adresse ici et non dans mon étude d'avocat. Ah, vous avez une étude d'avocat? C'est-à-dire que j'ai le quart d'une étude et d'un corridor, et aussi le quart d'un clerc, repartit Traddles. Nous nous sommes cotisés à quatre pour louer une étude, afin d'avoir l'air de faire des affaires. Et nous payons de même le clerc entre nous. Il me coûte bel et bien 2 shillings par semaine. » Je retrouvais la simplicité de son caractère et sa bonne humeur accoutumée, mais aussi son guignon ordinaire dans l'expression du sourire qui accompagnait cette explication. « Ce n'est pas le moins du monde par orgueil, vous comprenez, Copperfield, » dit Traddles, « que je ne donne pas en général mon adresse ici. » C'est uniquement dans l'intérêt des gens qui ont affaire à moi et à qui cela pourrait bien ne pas plaire. J'ai déjà fort à faire pour percer dans le monde et je ne dois pas songer à autre chose. Vous vous destinez au barreau, à ce que m'a dit Mr. Waterbrook, lui dis-je. Oui, oui, oui, dit Traddles en se frottant lentement les mains. J'étudie pour le barreau. Le fait est que j'ai commencé à prendre mes inscriptions, quoique un peu tard. Il y a déjà quelque temps que je suis inscrit, mais les 100 livres sterling à payer, c'était une grosse affaire, continua-t-il en faisant la grimace comme s'il venait de se faire arracher une dent. Savez-vous à quoi je ne puis m'empêcher de penser en vous regardant, Traddles ? Lui demandai-je. Non, dit-il. À ce costume bleu ciel que vous portiez. Ah oui, dit Traddles en riant. Un peu étroit aux bras et aux jambes, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, c'était le bon temps, qu'en dites-vous? Je crois que quand notre maître nous aurait rendus un peu plus heureux, cela ne nous aurait pas fait de mal, répondis-je. Ça peut bien être, dit Traddles, mais c'est égal, on s'amusait bien. Vous souvenez-vous de nos soirées dans le dortoir, et des soupers, et des histoires que vous racontiez? Et vous rappelez-vous comment j'ai reçu des coups de canne pour avoir pleuré à propos de Monsieur Mel ? Vieux Creakle, va. C'est égal, je voudrais bien le revoir. Mais c'était une vraie brute avec vous, Traddles, lui dis-je avec indignation, car sa bonne humeur me rendait furieux, comme si c'était la veille que je l'eusse vu battre. Vous croyez ? Repartit Traddles. Vraiment, peut-être bien. Mais il y a si longtemps que tout cela est fini, vieux Creakle, va. N'était-ce pas un oncle qui s'occupait alors de votre éducation ? Certainement, dit Traddles. Celui auquel je devais toujours écrire et à qui je n'écrivais jamais. Ah oui, certainement j'avais un oncle. Il est mort très peu de temps après ma sortie de pension. Vraiment ? Oui, c'était comment appelez-vous ça ? Un marchand de draps retiré, un ancien drapier, et il m'avait fait son héritier, mais je n'ai plus été du tout de son goût en grandissant. Que voulez-vous dire ? Demandai-je, car je ne pouvais pas croire qu'il me parlât si tranquillement d'avoir été déshérité. Ah, mon Dieu, oui, Copperfield, c'est comme ça, répliqua Traddles. C'était un malheur, mais je n'étais pas du tout de son goût. Il avait, disait-il, espéré tout autre chose, et de dépit, il épousa sa femme de charge. Et qu'avez-vous fait alors ? Oh, rien de particulier, répondit Traddles. J'ai demeuré avec eux un bout de temps, en attendant qu'il me poussât un peu dans le monde, mais malheureusement, sa goutte lui est remontée un jour dans l'estomac, et il est mort. Alors elle a épousé un jeune homme et je me suis trouvée sans position. « Mais enfin, est-ce qu'il ne vous a rien laissé, Traddles ?»« Oh, si, vraiment !» dit Traddles. « Il m'a laissé 50 guinées. Comme mon éducation n'avait pas été dirigée vers un but spécial, au commencement, je ne savais trop comment me tirer d'affaire. Enfin, je commençais avec le secours du fils d'un avoué qui avait été à Salem House, vous savez bien, Yowler, celui qui avait le nez tout de travers. Vous vous rappelez ?» Non, il n'a pas été à Salem House avec moi. Il n'y avait de mon temps que des nez droits. Oh, reste peu importe, dit Traddles. Grâce à son aide, je commençais par copier des papiers de procédure. Comme cela ne me rapportait pas grand-chose, je me mis à rédiger et à faire des extraits et autres travaux de ce genre. Je travaille comme un bœuf, vous savez, Copperfield, si bien que j'expédiais lestement la besogne. Eh bien, je me mis alors dans la tête de m'inscrire pour étudier le droit. Et voilà le reste de mes 50 guinées parties. Yowler m'avait pourtant recommandé dans 2 ou 3 études, celle de Mr. Waterbrook, entre autres, et je fis assez bien mes petites affaires. J'eus le bonheur aussi de faire la connaissance d'un éditeur qui travaille à la publication d'une encyclopédie, et il m'a donné de l'ouvrage. Tenez, au fait, je travaille justement pour lui dans ce moment. « Je ne suis pas trop mauvais compilateur, » dit Traddles en jetant sur sa table le même regard de confiance sereine. « Mais je n'ai pas la moindre imagination. Je n'en ai pas l'ombre. Je ne crois pas qu'on puisse rencontrer un jeune homme plus dépourvu d'originalité que moi. » Comme je vis que Traddles semblait attendre mon assentiment, qu'il regardait comme tout naturel, je fis un signe de tête approbateur. Et il continua avec la même bonhomie, car je ne puis trouver d'autre expression. Ainsi donc, peu à peu, en vivant modestement, je suis enfin venu à bout de ramasser les 100 livres sterling, et grâce à Dieu, c'est payé, quoique le travail ait certainement été... Ici, Traddles fit une nouvelle grimace, comme s'il venait de se faire arracher une seconde dent. Un peu rude. Je vis donc de tout ça et j'espère arriver un de ces jours à écrire dans un journal. Pour le coup, ce serait mon bâton de maréchal. Maintenant que vous voilà, Copperfield, vous êtes si peu changé et je suis si content de revoir votre bonne figure que je ne puis rien vous cacher. Il faut donc que vous sachiez que je suis fiancée. Fiancée ? Oh, Dora ? C'est à la fille d'un pasteur du Devonshire. Ils sont 10 enfants. Oui, ajouta-t-il en me voyant jeter un regard involontaire sur l'encrier. Voilà l'église. On fait le tour par ici et on sort à gauche par cette grille. Il suivait avec son doigt sur l'encrier. Et là, où je pose cette plume, est le presbytère, en face de l'église. Vous comprenez bien ? Je ne compris qu'un peu plus tard tout le plaisir avec lequel il me donnait ces détails. Car dans mon égoïsme, je suivais en ce moment dans ma tête un plan figuré de la maison et du jardin de M. Spenlow. « C'est une si bonne fille, » dit Traddles. « Elle est un peu plus âgée que moi, mais c'est une si bonne fille. Ne vous ai-je pas dit l'autre fois que je quittais Londres ? C'est que je suis allée la voir. J'ai fait le chemin à pied, aller et venir. Quel voyage délicieux ! Probablement nous resterons fiancés un peu longtemps, mais nous avons pris pour devise « attendre et espérer ». C'est ce que nous disons toujours, « attendre et espérer ». Et elle m'attendra, mon cher Copperfield, jusqu'à 60 ans, ou mieux encore s'il le faut. Traddles se leva et posa la main d'un air triomphant sur le drap blanc que j'avais remarqué. « Ce n'est pas pour autant, dit-il, que nous n'ayons pas déjà commencé à nous occuper de notre ménage. Non, non, bien au contraire, nous avons commencé. Nous irons petit à petit, mais nous avons commencé. Voyez, dit-il en tirant le drap avec beaucoup d'orgueil et de soin, voilà déjà deux pièces de ménage. Ce poids fleur et cette étagère, c'est elle-même qui les a achetées. Vous mettez cela à la fenêtre d'un salon ? Dit Traddles en se reculant un peu pour mieux admirer, avec une plante dans le pot, et voilà. Quant à cette petite table avec un dessus de marbre, elle a 2 pieds 10 pouces de circonférence. C'est moi qui l'ai achetée. Vous voulez poser un livre, vous avez, ou bien vous avez quelqu'un qui vient vous voir, vous ou votre femme, et qui cherche un endroit pour poser sa tasse de thé. Voilà, reprit Traddles. C'est un meuble d'un beau travail et solide comme un roc. Je lui fis compliment de ces 2 meubles et Traddles replaça le drap avec le même soin qu'il avait mis à le soulever. « Ce n'est pas encore grand-chose pour nous mettre dans nos meubles, » dit Traddles. « Mais c'est toujours quelque chose. Les nappes, les têtes rayées et tout ça, voilà ce qui me décourage le plus, Copperfield. Et la batterie de cuisine, les casseroles et les grilles. » Et tous ces objets indispensables, parce que c'est cher, ça monte haut. Mais attendre et espérer. Et puis si vous saviez, c'est une si bonne fille. J'en suis certain, lui dis-je. En attendant, dit Traddles en se rasseyant, et voilà la fin de tous ces ennuyeux détails personnels, je me tire d'affaire de mon mieux. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je n'en dépense pas beaucoup. En général, je prends mes repas à la table des habitants du rez-de-chaussée, qui sont des gens très aimables. Monsieur et Mistress Micawber connaissent la vie et sont de très bonne compagnie. « Mon cher Traddles, m'écriai-je, qu'est-ce que vous me dites là ? » Traddles me regarda comme s'il ne savait pas à son tour ce que je disais là. « Mister et Mistress Micawber ? » répétai-je. « Mais je suis intimement liée avec eux. » Justement, on frappa à la porte de la rue un double coup où je reconnus, d'après ma vieille expérience de Windsor Terrace, la main de M. Micawber. Il n'y avait que lui pour frapper comme ça. Tout ce qui pouvait me rester de doute encore dans l'esprit sur la question de savoir si c'était bien mes anciens amis s'évanouit et je priais Traddles de demander à son propriétaire de monter. En conséquence, Traddles se pencha sur la rampe de l'escalier pour appeler M. Micawber, qui apparut aussitôt. Il n'était point changé. Son pantalon collant, sa canne, le col de sa chemise et son lorgnon étaient toujours les mêmes, et il entra dans la chambre de Traddles avec un certain air de jeunesse et d'élégance. « Je vous demande pardon, M. Traddles, » dit M. Micawber avec la même inflexion de voix que jadis, en cessant tout d'un coup de chantonner un petit air. « Je ne savais pas trouver dans votre sanctuaire un individu étranger à ce domicile. » M. Micawber me fit un léger salut et remonta le col de sa chemise. « Comment vous portez-vous ? » lui dis-je, M. Micawber. « Monsieur, » dit M. Micawber, « vous êtes bien bon ?» « Je suis dans le statu quo. »« Et Mistress Micawber ?» repris-je. « Monsieur, » dit Monsieur Micawber, « elle est aussi, grâce à Dieu, dans le statu quo. »« Et les enfants, Monsieur Micawber ?»« Monsieur, » dit Monsieur Micawber, « je suis heureux de pouvoir vous dire qu'ils jouissent aussi de la meilleure santé. » Jusque-là, M. Micawber, quoiqu'il fût debout en face de moi, ne m'avait pas reconnu du tout. Mais en me voyant sourire, il examina mes traits avec plus d'attention, fit un pas en arrière et s'écria « Est-ce possible ? Est-ce bien Copperfield que j'ai le plaisir de revoir ?» Et il me serrait les deux mains de toute sa force. « Bonté du ciel, Monsieur Traddles !» dit M. Micawber. « Quelle surprise de vous trouver lié avec l'ami de ma jeunesse, mon compagnon des temps passés !»« Ma chère » cria-t-il par-dessus la rampe à Mistress Micawber, pendant que Traddles semblait avec raison un peu étonné des dénominations qu'il venait de m'appliquer. « Il y a dans l'appartement de Monsieur Traddles un monsieur qu'il désire avoir l'honneur de vous présenter, mon amour. » Monsieur Micawber reparut à l'instant et me donna une seconde poignée de main. « Et comment se porte notre bon docteur, Copperfield ?» dit Monsieur Micawber. « Et tous nos amis de Canterbury ?» Je n'ai reçu d'eux que de bonnes nouvelles. « J'en suis ravi, » dit Monsieur Micawber. « C'est à Canterbury que nous nous sommes vus pour la dernière fois, à l'ombre de cet édifice religieux, pour me servir du style figuré, immortalisé par Chaucer, de cet édifice qui a été autrefois le but du pèlerinage de tant de voyageurs, des lieux les plus... » « En un mot, » dit M. Micawber, « tout près de la cathédrale. » « C'est vrai, » lui dis-je. M. Micawber continuait à parler avec la plus grande volubilité, mais il me semblait apercevoir sur sa physionomie qu'il écoutait avec intérêt certains sons qui partaient de la chambre voisine, comme si Mistress Micawber se lavait les mains et qu'elle ouvrit et ferma précipitamment des tiroirs dont le jeu n'était pas facile. « Vous nous trouvez, Copperfield ?» dit M. Micawber en regardant Traddles du coin de l'œil, « établi pour le moment dans une situation modeste et sans prétention. Mais vous savez que dans le cours de ma carrière, j'ai eu à surmonter des difficultés et des obstacles à vaincre. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été obligé de faire halte en attendant que certains événements prévus vinssent à bien tourner. Enfin, qu'il m'a fallu quelquefois reculer pour réussir à ce que je puis, j'espère, appeler sans présomption, mieux sauter. Je suis pour l'instant parvenu à l'une de ces étapes importantes dans la vie d'un homme. Je recule dans ce moment-ci pour mieux sauter, et j'ai tout lieu d'espérer que je ne tarderai pas à finir par un saut énergique. » Je lui en exprimai toute ma satisfaction quand Mistress Micawber entra. Son costume était encore moins soigné que par le passé. Peut-être cela venait-il de ce que j'en avais perdu l'habitude. Elle avait pourtant fait quelques préparatifs pour voir du monde. Elle avait même mis une paire de gants bruns. « Ma chère, » dit Monsieur Micawber en l'amenant vers moi, « voilà un gentleman du nom de Copperfield qui voudrait renouveler mes connaissances avec vous. » Il eût mieux valu, à ce qu'il paraît, ménager cette surprise, car Mistress Micawber, qui était dans un état de santé précaire, en fut tellement troublée et souffrante que M. Micawber fut obligé de courir chercher de l'eau à la pompe de la cour et d'en remplir une cuvette pour lui baigner les tempes. Elle se remit pourtant bientôt et manifesta un vrai plaisir de me revoir. Nous restâmes encore à causer tous ensemble pendant une demi-heure et je lui demandai des nouvelles des deux jumeaux « qui était aujourd'hui, me dit-elle, grand comme père et mère. » Quant à Maître Micawber et Mademoiselle, sa sœur, elle me les représenta comme de vrais géants, mais ils ne parurent pas dans cette occasion. Monsieur Micawber désirait infiniment me persuader de rester à dîner. Je n'y aurais fait aucune objection si je n'avais cru lire dans les yeux de Mistress Micawber un peu d'inquiétude, en calculant la quantité de viande froide contenue dans le buffet. Je déclarai donc que j'étais engagée ailleurs, et remarquant que l'esprit de Mistress Micawber semblait par là soulagé d'un grand poids, je résistai à toutes les insistances de son époux. Mais je dis à Traddles et à M. et Mistress Micawber qu'avant de pouvoir me décider à les quitter, il fallait qu'ils m'indiquassent le jour qui leur conviendrait pour venir dîner chez moi. Les occupations qui tenaient Traddles à la chaîne nous obligèrent à fixer une époque assez éloignée, mais enfin on choisit un jour qui convenait à tout le monde, et là-dessus je pris congé d'eux. Monsieur Micawber, sous prétexte de me montrer un chemin plus court que celui par lequel j'étais venu, m'accompagna jusqu'au coin de la rue, dans l'intention, ajouta-t-il, de dire quelques mots en confidence à un ancien ami. « Mon cher Copperfield, » me dit Monsieur Micawber, « je n'ai pas besoin de vous répéter que c'est pour nous, dans les circonstances actuelles, une grande consolation que d'avoir sous notre toit une âme comme celle qui resplendit, si je puis m'exprimer ainsi, qui resplendit chez votre ami Traddles. Avec une blanchisseuse qui vend des galettes pour plus proches voisines et un sergent de ville comme habitant de la maison d'en face, vous pouvez concevoir que sa société est une grande douceur pour Mistress Micawber et pour moi. Je suis pour le moment occupé, mon cher Copperfield, à faire la commission pour les blés. Cette vocation n'est point rémunératrice. En d'autres termes, elle ne rapporte rien, et des embarras pécuniaires d'une nature temporaire en ont été la conséquence. Je suis heureux de vous dire pourtant que j'ai en perspective la chance de voir arriver quelque chose. Excusez-moi de ne pouvoir dire dans quel genre, je ne suis pas libre de vous livrer ce secret. Quelque chose qui me permettra, j'espère, de me tirer d'affaire, ainsi que votre ami Traddles, auquel je porte un véritable intérêt. Vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre que Mistress Micawber est dans un état de santé qui ne rend pas tout à fait improbable la supposition que les gages de l'affection qui... En un mot, qu'un petit nouveau-né vienne bientôt s'ajouter à la troupe enfantine. La famille de Mistress Micawber a bien voulu exprimer son mécontentement de cet état de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sache pas que cela les regarde en aucune manière et que je repousse cette manifestation de leurs sentiments avec dégoût et mépris. Monsieur Micawber me donna alors une nouvelle poignée de main et me quitta.